Poésie sur parole, cette semaine, Roland Dubillard. Vous entendez quelque chose ? Non. C'est ce qu'il faut. Vous êtes sûr que nous roulons ? C'est une splendeur, cette automobile. Bien sûr que nous roulons. Ce n'est tout de même pas les maisons qui roulent. Et vous voyez bien qu'elles défilent. De ce côté-là, oui. De l'autre côté aussi. Ah oui, de l'autre côté aussi. Oui, nous roulons, pas de doute. Oh, ce que c'est agréable. Il suffirait de fermer les yeux, on se croirait dans son lit. Vous pouvez, moi, il vaut mieux pas que je les ferme. Non, oh, vous êtes prudent. J'aurais pas cru ça. Ah, prudent. J'irais plus vite s'il n'y avait pas cet imbécile de triporteur devant nous. Doublez-le. Ah, peut pas, la rue n'est pas assez large. Je savais pas que vous aviez votre permis de conduire. Mais je ne l'avais pas. C'est comme la voiture, je l'ai gagnée il y a 15 jours. Mais dites-moi, vous les faites tous les concours ? Non, celui-là, c'est ma femme. C'était un concours pour les sous-vêtements féminins, vous savez, la gaine Starlet. Seulement, comme du côté des chaussettes du docteur Kiri, c'est moi qui le faisais, le concours pour gagner l'auto, le permis de conduire, on l'a mis à mon nom. C'est bien, les concours. Moi, en ce moment, je fais celui du fromage qui fait floc, vous savez. Le fromage immangeable. Qu'est-ce que c'est, le gros lot ? Un fauteuil à l'Académie française. Oh, ça vaut la peine, c'est du bon fauteuil. Oh, mais dis donc, vous grasez, hein ? Oui, je fais une pointe. Quand le compteur marquera 150, vous me préviendrez en plein Paris. Ce n'est pas prudent de dépasser 150. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, le triporteur ? Le triporteur, oh, je lui ai passé dessus. Sans ça, on n'en finit pas. Oh, j'ai rien senti. Vous pensez, une automobile comme ça, avec les amortisseurs qu'elle a dans tous les coins, on écraserait son père et sa mère sans que ça fasse une secousse. Pourquoi vous prenez pas la rue de Miroménil ? C'est plus court. La rue de Miroménil, mais elle n'est pas assez large. Une auto comme ça, ça ne passe pas dans ces petites rues de rien du tout. Je descends le Malzerbe et je prends la Royale, c'est tout ce que je peux faire. Et encore, la rue Royale, on va voir. Il n'y a pas de cendrier dans votre limousine ? Pas de cendrier dans ma limousine ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de limousine autour de mon cendrier ? Oui, partout, c'est du cendrier. Vous pouvez jeter vos cendres par terre, elles n'y resteront pas. Tout ça, ça s'en va sans qu'on s'en aperçoive dans le courant d'air chaud. Et qu'est-ce qu'il va en faire de mes cendres, le courant d'air chaud ? Dans le tuyau d'échappement, pof ! Dans la figure de cet imbécile qui nous suit avec sa Paccard dans le rétroviseur. C'est pas prudent. Ah, alors vous avouerez que pour acheter une Paccard, faut vraiment avoir envie de se faire rigoler au nez. Doucement, Oui, c'est bête d'être obligé de ralentir comme ça. C'est moche Paris pour la circulation. On se dit la rue Royale, ça va, je peux y aller, et puis résultat, vous voyez... Faut des deux côtés, faudrait vous élargir tout ça. Attention à l'obélisque. Ouais, encore un truc qu'on aurait dû supprimer depuis longtemps. Oh non, passez pas dessus. Ah, c'est bien pour vous faire plaisir. J'y ! Pourquoi vous dites J ? Parce que les Champs-Élysées, il n'y a plus de problème. On se croirait à la campagne, vous allez voir. Comment qu'on va se les taper, les Champs-Élysées ? Ah, attention, c'est plein de deux chevaux. Vous en avez déjà aplati 3 ou 4. Ils n'ont qu'à rouler dans les petites rues. 150, 151, 152. Hé, c'est de la voiture, hein ? Ah, tout de même, essayez de passer à côté des agents. Les agents, ils ont l'habitude, les agents, ils se couchent. Attention, oh, attention à l'Arc de Triomphe, attention. Je vais élargir son trou dans le milieu, vous allez voir comment, ce sera une bonne chose de faite. Oh, 210, 215, 220. Paf ! Regardez-le dans le rétroviseur, l'Arc de Triomphe. Oh, pulvérisé, vous l'avez. Hein ? Dans une demi-heure, trois quarts d'heure, on est à Dunkerque. À Dunkerque, oui. Mais qu'est-ce qu'on fera à Dunkerque ? Je connais un petit restaurant, on va faire un de ces gueuletons, vous allez voir. Des nouilles à l'eau avec du beurre, mais alors, quelle nouille, quelle eau, quel beurre. On a tout Dunkerque dans son assiette, vous verrez, c'est typique. Oh. Roland Dubillard et Claude Pieplus ont dit en auto, choisi dans les Diablogues de Roland Dubillard, qui publie cet automne chez Gallimard une nouvelle édition revue de ses poèmes, La boîte à outils, précédée de Je dirais que je suis tombé. Poésie sur parole, André Velter, Jean-Baptiste Parra, Christian Fontaine, Marie-Laure Ciboulette.